émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, ce soir. Ladies and gentlemen. Planet Rap Niska. Et c'est la dernière de ce Planet Rap avec Niska. Comment ça va? Ça va et toi, frère? Bon, ça va, soulager, ça y est, c'est sorti. Hein. Ouais, ça y est, c'est sorti là. Charo Life est dans les bacs. Et dans les bacs, est disponible, allez le chercher, on vient vous chercher chez vos mères. Bon, ça se passe bien, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe, alhamdoulilah. Est-ce que t'es content? Est-ce que tu avais une pression justement sur cette sortie? Est-ce que tu non, dis, il faut non. que je fasse tant de ventes? Je me fous pas la pression, moi. Moi, juste que ce que je voulais, c'est que le disque sorte, il est sorti et c'est l'essentiel. Et bah, ça y est, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui, allez le chercher aussi ce week-end, Charo Life. Non. On va continuer à le découvrir, il y aura encore des invités ce soir. Ouais, ce soir, il y a encore des invités. Pour la dernière soirée, il y a encore des invités. Ce soir, on est avec Jelka. Mmh. Jelka, qui est un artiste de Bobigny. On est avec 13 Blocs. 13 Blocs, un groupe originaire de Sevran. Il y a F430. F430, qui est plutôt à côté de chez moi, originaire de Corbeil-Essonne, Tarteret. Et bon, on découvrira un petit peu tout le monde dans un instant. Là, on va se rappeler parce qu'on a eu une super semaine avec beaucoup de live cette semaine. Exactement. C'est vrai que ça a bien mouillé le maillot cette semaine. Ouais. Avec la team Charo, avec Niska et ses invités. On va réécouter maintenant dans le replay de la semaine ce qui a pu se passer en live. Un petit aperçu, un petit extrait. C'était toute cette semaine avec Niska sur Skyrock. Mathieu Nissa, on part pour les Choco. Maintenant, t'as même le terreuse. On paie pour ta rose. Oui, Rafi, que t'es la parole. Rafi, que t'es la parole. Allemand, pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y, prends un calme. Et Niska, j'ai une petite surprise aussi pour toi. Ouais. Faut que tu dises allô. Allô? Allô? Tu en as un moment, tu reconnais au rire direct. Gradure. Ouais. Tu dis quoi, mon gars? Ça va ou quoi, mon gars? Ouais, ça va, au calme, tranquille. Ça va bien, Gradure? En léger, on donne un support. Ouais. Eh ben, bienvenue. Tu peux pas venir, tu vois ou pas? Ouais, t'es pas là, t'es au state, là, c'est ça? Tu peux pas venir. Ouais. Mais tu voulais quand même participer à ce Planet Rap de Niska? Ouais, obligé, c'est le frérot. Ah, il va nous faire un freestyle. par téléphone. Freestyle par téléphone enlégé. Par téléphone. Jamais. Non, c'est juste pour passer le salam, tu vois ou pas? Non, normal, on est ensemble. C'est le frérot, dire que je suis chien au max. Planet Rap. Voilà ce qui s'est passé cette semaine dans l'émission et ça continue encore ce soir jusqu'à 21h. Ouais. Niska, qu'est-ce qui est prévu ce week-end? Tu vas te reposer un peu? Non, ce week-end là on enchaîne. On est en show demain vers à Thionville. Mmh. Après dimanche, je vais me reposer un peu. Et la semaine prochaine, on attaque de plus belle. Hein. Ça y est, c'est reparti là. Là, c'est en même temps, ça va pas s'arrêter là. Non, faut travailler sur l'album là, ça y est, on se projette. Il y a les concerts qui arrivent aussi du côté de Lyon, du côté de Lille. Ouais, le 27 à Lyon, le 31 à Bordeaux, le 4 novembre à Lille, le 5 novembre à La Cigale à Paris, bien, à domicile. T'as tout en tête. Ouais. Bon, c'est un exercice particulier justement, la scène, comment tu l'appréhendes toi, Niska? C'était quoi ta toute première scène? T'as un souvenir de la première fois où t'es monté sur scène? Ouais, c'était un showcase à Bordeaux. Franchement, c'était le feu. C'était le feu, ça date de quoi? Ça va faire bientôt un an là déjà. Avant, t'as été jamais monté, t'avais jamais fait des petites scènes locales. Scènes de quartier, ah, tu connais, voilà. Ça c'est toujours le feu parce que voilà, c'est du rap local, les gens ils apprécient. Mais devant un public étranger, ouais, c'était la première fois, c'était à Bordeaux. Et la toute première fois où t'es monté, t'as un souvenir particulier ou pas? T'étais quoi? T'étais plutôt stress? T'étais dans quel état d'esprit? La toute première fois, c'était avec Scaudi, tu te rappelles, devant l'escalier là, au petit débrouillard. On a fait une scène improvisée, tu vois. Zarma, il y avait des escaliers, c'était le podium. Après, en dessous des escaliers, il y avait la cité. C'était ça la toute première fois. C'est avec toi, ce qu'on dit. Donc, bon souvenir. Bien sûr, toujours. Donc, quand tu sors de là, tu dis putain, je vais y retourner, je vais remonter. Ouais, exactement. Et bah là, il va y en avoir beaucoup en tout cas hein, sur cette année 2015, sur cette saison 2016. On va revenir aussi un petit peu sur toi durant cette soirée. Pas de problème. On va mettre des extraits de Charo Life, on mettra aussi d'autres extraits des invités. Voilà. Et on débute avec autre chose, c'est parti. Vas-y, y a pas de problème. Allez, Niska. Back to La jalousie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif, hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les paires de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon plat qui m'appelle Brazzaville. Toi tu penses que ici ça bibi juste pour se planter, hey. On n'est pas gangster, nous charognards. Qui veut te planter, qui veut te plomber, hey. Ça vit tous les jours, bibi tous les jours, oh. Les mecs d'à côté font les fous, oh. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four, bang, bang, bang. Mais où sont les vierges, que des agitaires, que des agitaires. NF négro type, un matin Luther. Je découpe, yeah, yeah. Tu veux le B9, tu la coupes, yeah, yeah. Nico, tu payes si tu touches, yeah. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple et le monde entier. Mon meilleur ami c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. Je vais investir dans la rebier. J'fume ma OG couche. Compte mes liasses pendant sa Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture, pourtant elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore, il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais, deux équipes encore. Si je pète le million, la cotine en boca. Si aujourd'hui je prends le lard, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Le jour y passe et je vois les lâches. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Niska, Charo Live. Vous retrouverez ce morceau Ochoa aussi qu'on écoutait à l'instant. Exactement, on retrouvera Ochoa qui sera dans l'album. Je sais plus c'est la combien, mais je sais qu'en tout cas c'est un lourd morceau de l'album. Voilà. C'est un morceau c'est la 9, qui me tient à cœur. C'est la 9. La 9, voilà. C'est un morceau qui me tient à cœur en tout cas. Ochoa. C'est la mixtape, ouais, je suis en fou. C'est la mixtape. Je suis déjà dans l'album, moi, t'inquiète pas, j'ai la tête dans l'album. Bon, en même temps, ça a été fait aussi, la différence entre mixtape, entre album, entre projet, entre street CD à l'époque dont on parlait. Y a pas vraiment de différence. Y a pas de différence. J'ai pas l'impression que t'as travaillé les sons d'une manière un peu. Non, pareil à 100% toujours. Ah, mais dans l'album on sera à 200%, c'est ça la différence. Ah ouais, c'est peut-être juste là la différence. C'est une carte de visite peut-être. Exactement. Un peu plus de morceaux Ego Trip peut-être. Exactement. Parce que c'est ce que le public a apprécié cette année. Et voilà, on leur donne ce qu'ils veulent un peu. Mais sur l'album, je vais me faire un peu plus plaisir. T'as une vision d'ailleurs, on peut parler un petit peu à venir ce soir, comme c'est la dernière de Planète Rap, une vision un petit peu de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, Niska. Bah, dans les mois qui viennent, Niska va continuer à rester productif parce que c'est comme ça qu'on bosse et on lâche pas. Ensuite de ça, je pense qu'il y a l'album qui va arriver très bientôt aussi. Mais t'as vu, Niska, c'est pas Niska tout seul, tu vois. Il y a un groupe qui est derrière. Il y a un collectif, Charo, tu vois. On l'a bien vu, ouais, cette semaine, ouais. Donc voilà, il y a d'autres artistes aussi qui vont commencer à pousser aussi cette année. On va essayer de les mettre en lumière un peu plus que l'année dernière. Et voilà, voilà. Donc on va, en gros, on va envahir le rap français, si tu préfères. Donc tu profites un petit peu de cette exposition pour justement pousser. On l'a bien compris aussi cette semaine. Ouais, je suis toujours dans cet état d'esprit, mon frère. Mmh. C'est comme ça. T'as poussé beaucoup de monde, ouais. De exactement, partage. Exactement, c'est comme ça. C'est peut-être parce qu'on sait d'où l'on vient, mon frère. C'est la galère. Tu crois que c'est peut-être ce qui a manqué un petit peu sur certaines générations de rap précédemment? Bien sûr, bien sûr. Moi, franchement, on m'aurait donné la possibilité de pouvoir venir comme ça à Planète Rap. Il y en a qui ont eu l'exposition, je suis vers chez nous. On m'aurait donné cette possibilité, et je pense que ça se trouve, ça aurait pris avant, tu vois. Ou peut-être que ça m'aurait fait du bien au moral, ça m'aurait. Tu vois, ça, je sais pas, il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a toujours quelque chose à prendre de ces expériences. Toi, tu pensais faire carrière dans le rap, justement, plus jeune, un peu plus jeune, quand tu rappelles aux côtés de Skaudi, notamment Bah, disons que je savais que ça kickait, tu vois, je savais que ça pouvait donner un truc. Mais après, savoir que je vais arriver là où je suis arrivé aujourd'hui, non, je pense pas. Tu dois y faire un truc en particulier, bosser, faire autre chose avec la passion du rap à côté, mais... Non, faut quand t'as un objectif, faut rester fixé dessus et envoyer tout ce que tu peux. Après, si c'est pas fait pour toi, tu changes. Tu te spécialises dans autre chose. Toi, t'avais une envie particulière ou pas? Tu pensais à quelque chose en particulier? À la musique? Avec la musique? Non, ou autre dans chose? Dans la vie? Ouais, dans la vie. Non, jamais vraiment su ce que je voulais faire comme métier. Mais en fait, j'ai trouvé ma vocation dans la musique, à ce que je vois. Bon, la musique, donc, ça va être évidemment ton projet aussi sur lequel tu vas bosser pour 2016. Mettre en avant des gens. T'as monté un label ou c'est trop tôt pour monter justement un label? Si, Charo Production. C'est Charo Production. Charo Production qui est en place et qui va faire monter pas mal d'artistes. Inch'Allah. Et ben, il y en a aussi certains qui sont là ce soir. On va présenter un groupe qui s'appelle 13 Blocs, c'est ça, tu vois? Ouais, 13 Blocs. Attends, je vais les laisser venir. Venez, les frères. Ah, les 13 Blocs qui 13 s'installent. Blocs. Donc, ouais. Ils viennent de. Sevran. Sevran, ouais. C'est quoi toi la connexion que t'as avec Sevran? C'est des gens que tu... Sevran, bah regarde, pour la petite anecdote, tu vois, c'est des frères que j'ai vus sur le net, tu vois, j'ai vu sur le net et comme par hasard, ça remonte d'il y a 6 ans. Cody, tu te rappelles? On avait fait un morceau avec eux, il y a peut-être 6 ans, tu vois, l'ancienne, dans des studios sales, sombres, tu vois pas. On était déjà connectés. Maintenant t'as vu, moi je les ai vus, ils étaient là, ils étaient un peu à la lumière, voilà, j'ai fait que de donner là ce fort comme j'ai l'habitude de faire. C'est ça, et c'est exactement donc ça. Chacun, là. Voilà, chacun continue et puis vous croisez de temps en temps. On se croise là, mais non, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, tu vois. À 6 ans là, je viens de se revoir, tu vois. On se recroise dans le studio de Sky. Qui nous dit un petit mot pour 13 blocs, vous êtes combien dans le groupe? De toute façon, Tom, tu sais, non, on est 4. T, Desté, P, Z, The Fort, Sevran, tu vois. Et là, l'autre côté, les Bedottes. Vous sortez des choses aussi prochainement? Il y a des. Ouais. Justement, même, je viens de dire que même là, la mixtape allait repousser là. T'as capté, devait sortir en novembre, un petit peu repoussé là. Pour 2016 ou avant la fin d'année? Peut-être. On sait pas encore, t'as vu. Bon, en tout cas, là, il y a un morceau qu'on va mettre maintenant pour vous découvrir aussi, 13 blocs. C'est un morceau qui s'appelle comment? Libéré. T'as vu? Libéré? Ouais, ceux qui sont là-bas là. De l'autre côté. De l'autre côté. Yes, qui nous écoute, qu'on salue écoute. D'ailleurs. 13 blocs, yes, ah. Allez, 13 blocs sur Skyrock. Ya! Yeah. Ya! Yeah. 13 blocs. Pax! Roule un gros pilon ma gueule, de la tease, y'a tout ma gueule. C'est violent ma gueule. Ouais, va pécho la mixtape, Charo live mon gars. J'ai d'être un Charo dans cette putain de vie. Faut que tu te fais graal. 33 sur la bedotte au chrono. Fini de faire gaspiller nos salives. Tu vas causer avec nos fusils. Né avec la rage. Je le ressens quand j'arrache ta recette. Nos meurs, nos poches, nos amis. Je complais, ça dépasse ma maman. Les bouches de suceur se remplissent. Nous c'est le calvin qu'on remplit. Le 3-2-7-0 se prend bedotte. Ouais, salam, c'est l'autre côté. On est tous en J-État. Allez, vive la marchandise. Les charlons. Le 3-2-7-0 se prend bedotte. Ok, libérez les frères enfermés. Va pécho Charo live, mon gars, on est là. 13 blots en lasquette. À ce sujet, on est hors sujet. À ce sujet, on est hors sujet. À ce sujet, je suis hors sujet. Fini de faire gaspiller ma salive. C'est fini. Tu vas causer avec mon fusil. Pas de faire un page demi-tour. Non. Plutôt de revenir en arrière. Non. Tout le monde s'attend au tournant. S'attend au tournant. C'est équivalent pour tout le monde. Équivalent pour tout le monde. Qu'est-ce qui remplit de barres? Se vend des boulets pour. On sent plutôt du 6 au 12. J'attends pas mon genre le 6. Non. Tous les jours c'est le jour de la paix. Tous les jours. C'est la bicrave que je revendique. Bicrave que je revendique. L'État crime, c'est fils de pute. Mais veulent que je taffe. Allez, laisse-moi crimer. Le vent en arrondi la bicrave. Un rappel car c'est mon zizi. Qui fait arrondir son gros cul. J'ai sombré. J'arrondis mes fans, ma fauche qui croule. J'suis dans les mauvais jets. J'suis dans les mauvais jets. Transport de mauvais edge. Dans tous les mauvais jets. Parc avec les mauvais mecs. My wow. Quand les briques à portée de main. Et les mains balades de son. C'est mêlé. Boum boum boum. après avoir poussé des poteaux récupérés de nos bons catchers, on ira équiper toute la carte des hommes. Y'a pas photo, personne ne se donnera un proto. Plutôt pas de semi-auto, en Kawasaki moto. J'ai pompé smoke en esprit. Des pylons d'un banc quand je suis parti. J'ai rouge débris comme un noix. Un parrain dans le bec sur dans le 4 roues. Je vois bleu doux mais je lui sers des Yankees. Le mariage d'un sabout de la reçue. On réveille la cité, on a un piqué que traque les feux que. Des OG certifiés mes potos. Les gars des LSB dans Dounia. Des mamans qui refusent de vieillir. Aujourd'hui plus rien ne me cache. Quand j'ai moi-même chauvé la souris. Détaillé de somme chaque deux heures. Voici le manière de voir les choses. On dit que la nuit porte conseil. Enfoiré, je te conseille pas mes nuits. Fini. Il s'appelle comment celui-ci? L'autre côté. L'autre côté. De Sevran. L'autre côté de Sevran à l'instant. Et libéré, peut-être qu'on peut l'écouter quelque part. Il est dispo sur le net, on peut aller cliquer. Non, pas encore. Il est disponible. Bon, bah prochainement, allez suivre. Donc 13 blocs aussi invité ce soir. Lourd. Il y a vu même Aniska, il y a ça. Normal, ensemble. Comme jamais, même les charros ils sont là. Voilà, Banks, mon frère. Les bolusards, 9-3-9-1. Libéré tous les frères, Chalon, Compton, Rouge, Bedot, Cité Blanche. Pour tous les impliqués, mon gars. Si c'est blanche, KGB, mon gars. Niska avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. On va encore vous présenter d'autres personnes. Il y aura du live tout à l'heure aussi. Il y aura un peu de live. Un peu moins que les autres semaines. Mais pour il y aura bien finir en beauté aussi. Il n'y a pas de problème. Et continuer aussi à parler de ce projet Charo Life. Un petit mot d'ailleurs sur la façon dont tu bosses. Toi, t'es plutôt à écrire avant, à être plutôt en studio, avoir besoin de. Non, moi je suis en studio. Ah ouais. Moi, c'est en studio, c'est du direct. C'est de l'instinctif. C'est de l'instinctif direct. Moi. J'aime pas trop écrire à l'avance, tu vois. Parce que quand j'arrive au studio, j'aime plus mon texte. Il y a des trucs que tu notes quand même de côté parfois. Parfois, des petites punchlines, des petits trucs, tu vois, des petites métaphores, des petits délires. Ouais, j'écris toujours, tu vois, de temps en temps. Mais sinon, je préfère le faire en studio direct. On écrit bam bam bam. Donc, le Charo Life, il fallait être en studio, voilà. Il fallait avoir les sons. Exactement. Il a été fait comme ça. Tu l'as enregistré où? Sur Paris, sur Évry? Non, je l'ai enregistré chez la famille dans 93, à Pantin, chez Ibra. Ibra, tu vois, à qui je lâche une grosse dédicace sur le freestyle murder. Bye, on est ensemble. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui, c'est Charo Life. Charo avec Niska. Disponible dans les bacs, allez le chercher. On a le temps de mettre un morceau, Fab, juste avant la pub. Qu'est-ce qu'on met comme titre? Vas-y, tu me mets GLK. GLK? Un petit mot sur GLK? Ouais, Niska. C'est la famille, tu vois, c'est la famille GLK. C'est une rencontre, on s'est rencontrés au studio 50K, tu vois, là où j'enregistre. Et voilà, et c'est la famille, dorénavant, c'est la famille, on est ensemble. Normal. Et voilà. Comme je t'ai dit, mon frère, on est là, on partage. C'est un morceau qui s'appelle En bas de ma tour, c'est ça? En bas de ma tour, ouais. Un petit mot quand même sur GLK, ce que vous préparez, GLK, où est-ce qu'on peut vous suivre? Bobigny, t'as vu, quartier L'Abreuvoir. Là, il y a la mixtape Avant Murder qui est sortie sur Haute Culture gratuitement. Et là, on bosse Murder, là, c'est dans le four, là. Donc pour voilà, fin courant 2015, GL Kalash. Fin 2015, 2016, on écoute maintenant ce morceau. C'est parti, GLK. Ouais, rescate à ville peinte, là. J'espère que tu m'entends, Narvalo. Ouais, moustique, Narvalo. Balrage, Gazaï. Plusieurs fois j'allais perdre la vie, une seule fois je verrai la mort. Mais tu le crois si t'es fils ou sa vie, même si t'es pas d'accord. Trop de haine en moi, je suis apaisé seulement sur mon tapis de prière. Mon ami, crossé la caissière, il en a marre que sa mère nettoie leur poussière. J'avais su au bled et je me casse d'ici. Que des allers-retours à la GZ. Plus je grandis, plus je pète les plots comme GZ. Ok. Quand tu les crois seuls, ils font moins les malins. En bas tes bisous, tes gars. On crache dans la bouche et jette un saut par là. C'est que Haga, je suis au B. Y'a qu'au Kali qui répond à la paix. J'débloque la cala, j'te ramasse à la paix. Nuit blanche au sud, ça enchaîne et bulle. J'suis en gamme, t'as cru que t'allais michetonner. Nique ta mère à la haine. Les keufs d'eau, le meilleur ami de PJ Poto, c'est la Capo. C'est la Capo. Pas de gâteau. Viens faire un tour. Maïe, oui, on est fait pour. On est fait pour. Pas de gâteau. On viens faire un tour. Maillé, maillé, maillé, oui, on est fait pour, on est fait pour. Mon temps commence. Oui, mets ta ceinture, c'est moi qui pilote. Voilà, voilà. Laisse pousser la barre ou fais une teinture. Si t'es filant, tu mets dans tes faux bras. Les bandits connaissent de Greeny ou d'Agas le Gonnet. Ouais. Quand t'es gros, reste discret, y'a l'auto-business. Sous la main fine, voilà, tu nous verras voilà, pas. Voilà. C'est dans des grosses lères que je fais mon avenir. Enfoiré de mec. Bienvenue comme mon 9-3, le pire qui est pire des empires. Voilà, si t'as pris un cachot les mains, aujourd'hui je suis ton pote, mais tu me baiseras demain. Chama. Fais pas des plafonds de gamin, j'ai roulé un gros joint juste avant l'examen. Parfois je pardonne pas, je pardonne pas, pas, pas. Mal et mécart, je m'y donne pas, je m'y donne pas. Ça tu le sais, qui cause MD, qui cause de C. Voilà. Là ce pu, il l'a cassé, mon refrain, je le connais, il a pas balancé. Il a pas balancé. Hlam avant le hlam, fais pas la belle. Fais pas la belle. On a des trouvants mal, beaucoup de frères manquent à la belle. Manquent à la belle. Encore un mot et j'en putain. Putain, putain. Tu vas rentrer ta mère pour des loups boutins. Bow, bow. Les keufs tout. Les keufs tout. Le meilleur ami de l'OPJ Poto, c'est la carpeau. C'est la carpeau. En bas de la tour. En bas de la tour. Viens faire un tour. Viens faire un tour. Maillé, maillé, maillé. Oui, on est fait pour. On est fait pour. En bas de la tour. En bas de la tour. Les keufs tout. Les keufs tout. Le meilleur ami de l'OPJ Poto, c'est la carpeau. Ouais, la carpeau. En bas de la tour. En bas de la tour. Viens faire un tour. Viens faire un tour. Maillé, maillé, maillé. Oui, on est fait pour. On est fait pour. Faré de nègre. Voilà, voilà, voilà. Shao Life dans les packs. Dans les babacs. Normal, JLK, on est ensemble. JLK à l'instant. JLK, Bobosh, la breu. Le 9-3 à l'instant, le 9-1 aussi avec Niska. On est connecté, mon frère. Et dans un instant, on va revenir. Niska, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un morceau avant de passer au live. Ouais, il nous reste un morceau avant de passer au live. Un morceau local un peu, c'est frérot Brigistone. Brigistone, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est le collectif Charo. Charo Production, ouais. C'est un élément de Charo Production qui va émerger. Donc, il fait partie de l'équipe. Ouais, il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe. Donc, c'est Guapo. On l'appelle Gaspo de la Gaspora. Gaspo de la Gaspora. Attends, laisse-le se présenter un peu. Il va parler. Vas-y, parle, Gaspo. Je suis en chantier du coq. Tu vois, moi, c'est Stony Guapo. Tu peux me retrouver sur ma page Facebook. Brigitte, voilà. Instagram, pareil. Voilà. Même Twitter. Voilà. T'inquiète, moi, j'arrive bientôt. Voilà. Stony Guapo, on est là. Charo Life. Regarde Fred, regarde, il est sûr de lui, hein, tu vois ou pas? Ah, je vois, je vois. Ouais, je vois, regarde-moi bien. Normal, il est au Real Madrid. Il est dans le Real Madrid, mon frère. C'est normal. J'ai vu. Fort, fort en attaquant. Normal. Bon, et bah, dans un instant, on mettra ton morceau. C'est un morceau qui s'appelle comment? Ouais, BMG. BMG. Bougez pas, c'est juste après ça. Et bah tiens, on va aussi on a récupéré quelques messages sur le répondeur, le téléphone de Skyrock là, qu'on t'a filé durant cette semaine. Ouais. Tiens, écoute les gens ce qu'ils t'ont laissé comme message. Vas-y. Eh ouais, mon pote, ça va? Paris Saint-Germain, bah tu dis ça va? King Chong, bah tu dis ça va? On dirait Diable. Ouais, Miska, bien quoi? Ça va, c'est un book du 91, c'est pour dire que on soutient ton Charo Live, ça fait plaisir. Ouais, Charo Live dans les bacs, ma gueule, on est là. Ouais. Niska, c'est un grand fan de toi. Ben, nous, tu connais les bails. Vas-y, rappelle, salut Niska. Bon, oh, allô, ouais, Niska, vas-y, fais-nous péter un gros péché pour Skyrock. Ciao. Allô, ouais, ça va? C'est sur le répondeur. Ouais, c'est vraiment une vraie fan de toi. Bon, ben, je te laisse, t'as pas le temps, au revoir. Fin de nouveau message. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Niska. Le Planet Rap Niska. Ouais. Et là, on écoute un morceau. Jésus feu. Ouais, Rimkus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe aïe aïe aïe aïe. Soma Deslem. Ouais, les grands frères de la zone sont avec nous ce soir. On contrôle la nezo comme Jamin. Aïe aïe aïe. Jamin, foiré. Yézé. Charo Life. Le 2 top, shit ta mère. Aïe aïe aïe. Charo Life est disponible. Allez le chercher. Aïe aïe aïe. Odilum, je t'invite à regarder mon curriculum. Mon curriculum, fais ce qui pas l'homme, ou c'est de la matière qui nous sépara. Qui nous sépara. T'es pas Charou, t'es pas Garou, t'es Hélène Zegara. Hélène Zegara. Ne t'égare pas, je ne te cible pas, je crible de balles. En plein dans la nuit. Comme la tour Eiffel, poteau, oui, je suis solide. Je suis solide, je suis solide. Comme mon papa, oui, poteau, je suis sûr de moi. Hey. À la piraterie, je suis en Somalie. Je check les un coup, check une assiette de riz. Cache, combien d'erreurs j'ai pu commettre. Je vois tous ces jaloux aux aguets. Aux aguets. Squat, hasta luego, je suis sur le bateau. Reggae, black, nigga, gang. Bang, bang, bang. Reggae, black, nigga, gang. Nigga, gang. Reggae, reggae, black, nigga, gang. Black, nigga, gang. Reggae, black, nigga, gang. Reggae, reggae, black, nigga, gang. Reggae, reggae, nigga, gang. Reggae, reggae, nigga, gang. Reggae, reggae, nigga, gang. Reggae, reggae, nigga, gang. Reggae, reggae, black, nigga, gang. Reggae, reggae, black, nigga, gang. Si je perce pas, c'est parce que je le veux pas. Je le veux pas. Il m'épargne de la richesse et de toutes ces lobes ça. De toutes ces lobes ça. Je n'en voudrais pas. Hamdoula pour moi si je vais pas en bas. Si je vais pas en bas. J'guette les jaloux me faire la hola. Ouais. J'pète pas mon caleçon, j'suis un grand garçon, ouais. Seul dans la pénombre. Je n'ai que deux coups gros, j'en ai pas trois. Bénèque avocate, je perds mon sang froid. J'ai perdu mon sang froid. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ouais. Bla, bla, bla. Black, nigga, gang. Les deux seuls, Charo Life. Combien d'erreurs j'ai pu commettre? Même, dis-moi. Je vois tous ces jaloux aux aguets. Je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. Oui. Hasta luego, je suis sur le bateau. Bateau, bateau, culé. Bang, oui, bang, oui. Bateau, bang, bang, bang, oui. Black, mego, gang. En fight, nerf. Bien dit, ma gueule. Skelush, Charo Life. Allez, pêche. Clac, clac, clac, clac. Black, mego, gang. Bender, squad. Oui, oui. Tous les gars du chantier, tout le monde. Mego, gang. Tout le monde. Black, Migo, gang. Ouais, Cyclone. Ouais, tout le monde, César, tout le monde. Black, Migo, gang. Café, Bibo, Magalix. Rachid, la Big Bang. Eh, on sait que t'es là-bas, mon frère. Bon, big up à toi. Malaki, tout le monde. Ouais, Lias. Big up à toi, Lias. Tout le monde. Ouais, ouais, bye, on est ensemble. Donos. Ouais, ouais, ouais. Pas trop contre eux. C'est moi, il est là. Charo Live est disponible. Charo Live est disponible. On va te chercher ce moment, on va te chercher maintenant. On va voir. C'est le Planet Rap. Il fait partie de l'équipe de la team Charo. De la team Charo, Kingston. Qu'on retrouve sur le morceau PSG, Tony Montana, sur le morceau Black in Yellow. Il est dans l'album, il est là. Il est présent dans l'album aussi qui est sorti aujourd'hui. C'est Charo Live. Aujourd'hui, Charo Live. Entre 20h et 21h, dans un instant, on va attaquer la session freestyle. Puis c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de freestyle par téléphone parce qu'on a beaucoup eu de freestyle dans le studio. Mais là, on va en finir avec Nemesis de Lyon. Salut Nemesis. Salut Fredo, salut l'équipe. Ça va, tu connais évidemment Niska? Ouais, ouais, j'ai entendu parler, ouais, exact. Eh bah, ben il est là toute la semaine entre 20 et 21, il y a Charo Life qui est sorti aujourd'hui. Toi tu viens rapper, il sera à Lyon d'ailleurs Niska, hein. Ça approche le 24 octobre. Ouais, ouais. Au Ninkasi KO, une salle que tu dois bien connaître du côté de Lyon. D'ailleurs, il y a des potes de Niska d'ailleurs qui doivent connaître un artiste sur Lyon, Sampleur, je sais pas si ça leur parle. Ouais, Sampleur, gros big up à lui. Gros big up à lui, ouais, je connais. Il a sorti son album Cauchemar Africain et puis il a tourné son clip Netsuko 3, voilà, à Ivry d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, une dédicace à Sampleur, qu'on salue. Nemesis. Allez choper, il faut Cauchemar Africain, c'est du lourd, hein. Franchement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, bon, ouais, t'écoutes ouais. Rapper, toi, c'est parti, mon pote, vas-y, session freestyle par téléphone. Allez, c'est parti. Yeah. Un peu de confiance. Nemesis, Parasite Urbain. Lyon, capitale de la rime. Le poids des mondes se calcule pas. Parlons franco, stigmatisé en recherche d'humilité comme pas gré. Pio, je le dis même en créole. Ma panne épouse, oui. Si la vérité blesse, le poids de ma franchise va vous tuer. Faut avoir la chance d'un pendu pour s'esquiver en paranorme. Faut croire que je suis pas destiné à périr par la corde. L'origine et la portée de nos actes n'est que similice. Nous éloigne de nos valeurs pour que jamais on se minimise. J'annonce la destruction des domaines. Si mon envie s'en détruit, c'est que la justice les a sortis de l'abdomen. Loin de tout, je roule à mon essence. conscience. Un cadavre dans le crâne sous-entend ainsi que j'ai la mort sur la conscience. Lucide des diplomates contre un succès impalpable. Le savoir sur les épaules équivalent d'un cartable. L'inscrit fait irruption et éruption dès l'entrée mort d'un amour nécrologique. J'ai les feux de la mort et glorifie l'argent sale, le vulgaire, la violence, la luxure, la décadence font couler larmes et sang au lieu de marcher ensemble, croyant faire bel effet. Ils veulent faire croire qu'ils se conforment, mais leur foi reste faible. Le monde me laisse dans le déni sur un fardeau pénible. J'ai tué le prix de ma tristesse sur des mouchoirs bénis. Ils courent à leur déchéance et l'évidence de crie. Je combat le mal par le rap, résident des cris. Nemesis à l'instant fort, hein, freestyle ouais, bien. Ouais, lourd. Lourd, bravo à toi, Nemesis. Je t'envoie les contrats demain, Charo Prod, c'est ouvert à tout. Ah bah voilà, écoute, voilà, une signature express. Voilà, express. Bah merci, ça fait plaisir. T'as des adresses d'ailleurs, Nemesis, on peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Ouais, bien évidemment, ouais, vous pouvez me retrouver. J'ai un SoundCloud, Nemesis Parasite Urbain. Nemesis Parasite Urbain. Parasite Urbain, donc Parasite avec un Z. Et vous pouvez aussi voir la chaîne YouTube Parasite Urbain Officiel. Il y a aussi toute l'actualité, il y a un projet qui arrive avec mon frérot Michou, Les Origines de la Plume, il y a mon album Talent Instable qui va pas tarder à sortir. Donc voilà, on fait les choses au calme quoi. Et bah merci à toi Nemesis. Je peux passer quelques dédicaces vite. Vas-y. Bah une grosse dédicace déjà à mon équipe, Malik Ofpana, Mise Zefi, Samsoul, Michou Abtel, à Letty Daruskov, Poussin de la Street, à l'équipe A2F, Satchok, Dark, Selkao et Caporal, à Flo, Stéphane, à Weapon J, Greg Mani, Crazy Dave, Saphir Sphere qui a sorti son morceau Matriarche aujourd'hui, à la chanteuse Jeanne Jams, ma petite protégée, et pour finir à Sampleur détenu. Merci à toi Nemesis, ciao. A bientôt. Nemesis, il faut le prendre pour la promo aussi hein, dans la Team Charo. Ouais, bien sûr, il est fort, il a tout promotionné. Il était bon, Nemesis. Ouais. Avant de passer au live, on met encore un dernier morceau, ouais, c'est ça ? Ouais, s'il te plaît, F430 Mexico. Mexico ? Ouais. Un petit mot sur ce morceau et sur F430 F430, attends, je vais le laisser se présenter. Qui est F430 ? Ah bah voilà. Groupe rappeur des Tarterets. Vas-y, on t'écoute. Un petit groupe des Tarterets, on est 5 poteaux, grandir ensemble, voilà, on va faire du sable. Et ben on écoute le morceau. Allez, c'est parti, F430 Mexico. Yeah. Après, on passe au live dans l'émission. Mexico. El Chapo. Ceux qui parlent peu sont ceux qui parlent. Quand j'ai pas le temps de lésiner, pas le temps pour leur cinéma. Sensei, ouais, saloper le temps, défiler pas de chance, ouais. Que des idées noires. Passe-temps souvent illégal. On est toujours partant pour des billets man. Pendant que c'est fait des brailles à contre-courant de la tendance. On fait les bails. J'ai comme besoin d'air, de zep et d'un verre pour oublier. Élémentaire, ça fait de la OG couche, monnaie par nécessité. Tout le monde à terre. Je viens de se faire baiser l'humilité. Voilà. On sait comment faire. Ouais. T'as pour vouloir tester, rien n'y fait. Mexico. Dans le gang, il n'y a que des El Chapo. Mexico. J'ai le quartier visé par la corruption. Mexico. C'est ce qui est devenu le ghetto. Mexico. El Chapo. Mexico. Dans le gang, il n'y a que des El Chapo. Mexico, Checkard divisé par la corruption. Mexico, c'est ce qu'est devenu le ghetto. Mexico. El Chapo. T'es pas si on fait les bails. Les coups comme le cash, on encaisse. C'est squat. Enroulé dans la lucarne. Voilà, Melga. Du temps réglementaire. Ouais, tout le monde, c'est pas mal les bails. Somsou, dégaine un flow légendaire. Squat. Jantoji, un beat, un mic. Charo Live, Makai. T'inquiète, on sait comment faire. Les gens kiffent te voir dans la merde. Puis te détestent quand t'as du succès. Postiché dans le bendo. 9 minutes. Tu trop faire le fou, tu finiras criblé. F430, c'est le squat. T'as capté le gang, le flow. J'ai des gants. La rue. On a de la substance qui t'évade. Mexico. Dans le gang il n'y a que des El Chapo. Mexico. Checkard divisé par la corruption. Mexico. C'est ce qu'est devenu le ghetto. Mexico. El Chapo. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Dans le gang il y a que des El Chapo, El Chapo. Mexico, Mexico, Mexico. Charola et Zazie dispo les gars, la corruption. Voilà, voilà, voilà. Mexico, ouais. Mexico, la gueule, monde, les départements venus, le gâteau, tous ceux qui galèrent, Mexico, Mexico, voilà. Mexico, Mexico. Pour tout le monde, ma gueule, El voilà, Chapo, voilà. El Chapo, Adil, Adil Beck. F430 sur Skyrock, ma gueule. Tu connais ma voilà, gueule. Voilà, voilà, voilà. Charola F, les gars, voilà au calme. Voilà, voilà, c'est voilà. Les gros bails. F430, voilà, voilà. Je casse à M, Matif, Ed, Amada, Tener, tout le monde. Tout le monde, Fleury, Sky. Tous les stars du monde. Pissa. Le Planète Rap avec Niska, on va attaquer le live juste Sanders. Avant. Niska, avant d'attaquer le live, parce que je sais comment ça va finir. Après, il y aura le gros session dédicace. Ouais. Un petit dernier mot quand même sur le projet qui est sorti aujourd'hui sur Charo Live. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire? Qu'est-ce que tu aimerais insister dessus? Quelque chose peut-être dont on n'a pas parlé. Le projet, il est là maintenant. J'espère que les fans, ils vont faire le travail, tu vois. C'est à eux maintenant de renvoyer l'ascenseur, si je peux permettre de dire, tu vois. Et qui vont grandir aussi. Ouais. Il va y en avoir plein de charos. Que la basse fan va s'agrandir, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pour tous les charos de toute la France, de toutes les provinces chaudes, de toute la banlieue parisienne, des Antilles, de l'Afrique, mon frère. On est ensemble. Tous les charos, je vous vois. Continuez de donner la C4, mon frère. Et moi, je m'efforce de travailler. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire les bails. Et voilà, ça arrivera aussi pour donc 2016, l'album. En attendant, donc, il y a Charo Live depuis aujourd'hui. Voilà, voilà. Mike One est là. Est-ce qu'il est prêt? Oh, toujours. DJ Mike One. Est-ce que tu es prêt, Mike One? DJ Mike One. Platine comme jamais. Ah, comme jamais, parfait. Comme jamais, Fred. Comme jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Comme jamais. Voilà. Merci pour ce petit cours express. Eh, c'est qui commence par à freestyler là? On voit l'instru, on va déterminer ça. Mon frère. Allez, c'est parti, session freestyle. Ça va être freestyle dans tous les sens du terme. C'est parti maintenant sur Skyrock. Mike One, c'est quand tu veux. Let's go. Are you ready? Attention! Bye bye bye. Matin, fais cette pute, mais du Caroline. Tu penses que Pharaon avait des sœurs, avait des sœurs. Tu penses que Moïse était blanc, que Jésus a les yeux bleus. T'es quoi? Ça va, tu grossis ton pute. Chez nous, y'a pas de sous-métier. Y'a pas de sous-métier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Comme ça, je vérifie. Ouais, je vérifie. Numéro uno. Ouais. Toi, peut-être secondo. Ouais. À moi tout seul, je suis un trio. Bando. Ferme les yeux, fais ta prière. Ouais. Ferme les yeux, fais ta prière. Ben. Ferme les yeux, fais ta prière. Ouais. Ferme les yeux, fais ta prière. Enfin, il n'est. Bye bye bye. Vas-y, change de beat, DJ Michael. Ça, c'était juste l'apéro, mon frère. On se met en condition. Bye bye bye bye. Clac clac. Are you ready? Ouais, j'ai un calage. Bang, bang, bang. J'ai éclatant de feuilles, j'pense à mon avenir. J'pense à mon avenir, les vrais et les faux. Qui restera sur mon avis? J'suis un pirate, sorti du 9-3 à ma jean bobine. Assume ta mère, au lieu de faire la mafia en Lamborghini. Pour elle c'est fini, va leur dire c'est fini. T'embrasses ta mère, ta hlène, à des salopes et des culis. Que Dieu te punisse. T'as pas d'âme, y'a plus de patate, patate. Dans le bon exemple au petit frère, non j'pense pas. Et si j'cartonne dans le rap, ni ta mère j'fais pas constat. Renseigne-toi sur moi, me fais-tu contrat. Un minimum de bif, si tu proposes un contrat. Faudra assumer, ramène ton champ, plus j'te promets. J'le casse en deux formations, va brosser ton gars, tu connais. Le 9-3 n'a pas de patron. Le 9-3 n'a pas de patron. Trop tard pour demander pardon. Le 9-3 n'a pas de patron. Faudra assumer. Ramène ton champ, plus j'te promets. J'le casse en deux formations, de la brosse des zonaïs, tu connais. Le 9-3 n'a pas de patron. Le 9-3 n'a pas de patron. Trop tard pour demander pardon. Le 9-3 n'a pas de patron. J'ai le calage, là, je bobache ma gueule. Ouais, SK. Ouais, tu m'entends là. Ouais, petite puce. Pour Coco, allez, ouais, c'est ce grand bigot trop mou. Allez pécho la mixtape. Ouais Vic c'est là. Les poulets là, Dirty est là. Reste blanc. Jackson est là, c'est Ron Bigger. Allez pécho la mixtape à Niska les gars. Yes I. La saison, ça passe de 2 euros palier. Si tu, on aime l'adrénaline. Bien sûr, bien rempli le panier. Banks. Je sacrifie mon sommeil. Après minuit, c'est plus les mêmes tarots. Yeah. Charbonne fait ton oseille. Hey, on vit pas ce qui cherchait. Parce que dans le vrai des vrais, les meurs, c'est vraiment pas cher. Non. Moi, j'ai pas dealé. Non. Pour décorer mon rap. Pour décorer mon rap. C'est ces traditions bizarres. Quoi? Veulent qu'on finisse dans un bar. À parler de son et de cash. Hey, à Sevran. Evry, les vrais dealers se reposent pas le dimanche. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Alaska bitch. Alaska bitch, Je sniff la poudre, passe-nous les sous. Et de pas les caméras, c'est négro, font les fous. Déboule dans le blanc, la boum, boum. Et c'est négro, court, bien joué. Holiday, tchaï, classe-toi les idées. Bourbonne sous les pieds des 50 et 20. La meilleure mélange est utilisée à l'Elysée. À l'Elysée. Pour faire croire réaliser que la vie est un dessin. Comme tes vêtements t'as plus de cachet que de vrai. À ta pute je lui manque un somnambule en mode le vrai. Mec de tes sa fin, sortant de sa détention. C'est fort. Il veut grailler dans ce plat où te tire dessus sans sommation. Ce type salope prend les poils, y'a deux ans plus c'est au lit. Quand on s'entend plus dans ce ghetto, laissons parler les brolis. On est respectueux, jusqu'à n'avoir pu régner poli dans notre game. Ce vrai poli nous carna ton cercueil sera nous poli. Très se répandra comme la peste. Mandat à sa blanco, wange de peufra. Aïe, ça pue la rue, ça pue la rue, ça pue la rue. Oui, ah oui, oui. Ouais, Kito est là, ça pue la rue. Là, là. Starolife. Lion in your eardrum. Ouais, ça continue. Starolife. Are you ready? Yeah. Allez chercher, c'est tout. Yeah. Comme moi je suis et en entier. Je représente mes nègres et pas qu'à moitié. Partout où je fourre mon négro c'est grillé. Mais dans le putain négrier, ça va toujours, on n'est pas arrivé. Je te baisse ta mère, tu me baises mes pieds. Je veux être riche, marre de les envier. Je viens vite marre de t'entendre crier. Y'a plus un équipe Madden con que je peux me fier. C'est devenu des frères et sans mes filles. Je me baisse que devant la remet et en camis en train de prier. Maman m'a dit un jour tu vas briller. Et quand tu m'écoutes tu ne peux le nier, que tout puissant me voit l'air main liée. Une lame qui coule quand je passe à mon péché. Wouah! Hey! Voilà. Quelle est force notre peu? Oh mon dieu! Rouge fait baisser nos yeux. Donc l'attitude il est nerveux, il est nerveux. Je crois qu'on fait des envieux. On fait des envieux. Parce que la lumière n'est pas sur eux. Parce qu'ils ne fument pas sur notre bœuf. On les a punis ces petits merdeux. Balance une autre instrument. C'était une bonne semaine, Niska. Ouais, franchement, une grosse semaine, hein. Lourde semaine. En live à l'instant, merci à vous tous. Ouais, c'est nous, on te remercie de nous avoir accueillis ici une fois de plus. Et voilà. Donc, on se dit à très bientôt. On souhaite bonne chance surtout au projet Charo Life. Charo Life dans les bacs et venez en concert. C'est bien beau de soutenir, mais il faut venir en concert aussi. Là, on vous attend. On va vous montrer comment on gesticule comme jamais. Voilà. Il y aura quelques petits pas de danse. Charo. Merci en tout cas Niska, merci à toi, merci à toute l'équipe. www.charo-shop.com. Voilà. Retrouvez les t-shirts, les suites. Voilà. À la prochaine. Et merci d'être passé Niska. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. C'est son pronom, Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Aurélie de Dijon, ça va bien Aurélie? Oui, ça va bien, merci. Eh bah écoute, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette, on y va Aurélie? Oui. Dès que tu veux, tu dis stop, il y a des places pour aller voir Sopra en tournée. Près de chez toi. Et la roulette qui va s'arrêter Aurélie sur la case, c'est... Eh ben c'est fait, Sopra, Cosmo Tour, grosse tournée et deux places qui t'attendent, c'est pour toi Aurélie. Merci beaucoup. Ciao, passe une bonne soirée, un beau week-end, merci une fois de plus à vous tous, merci Niska, à très vite. Très bientôt, on attend la suite des aventures de Niska. Voilà. On guettera ça évidemment. Bien sûr, ça arrive. Et puis, en tout cas, en attendant, allez chercher Charo Life et mettez-vous au son. Il y a 14 sons, c'est que pour vous. Écoutez ça en boucle et faites tourner ça partout. Voilà. J'ai envie de dire qu'il faut que ce soit un week-end Charo. Voilà, un week-end Charo, exactement. Comme l'a dit Fred. Hey Fred, tu soutiens les Charo ou pas? Bah, en même temps, j'ai pas le choix avec vous tous là autour de moi. Bah ouais, un peu de croc-croc là tout de suite là. On est ensemble. Non, mais un gros soutien en tout cas à toute la team Charo et longue vie au label, longue vie aussi voilà, aux fringues qui arrivent aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui demandaient où récupérer les suites, où récupérer les t-shirts. www.charo-shop.com, voilà. Merci à vous tous, merci Niska. Voilà. Ciao, on va retrouver Difool maintenant sur Skyrock. Tout à l'heure, il y aura la nocturne. Et puis la semaine prochaine, on accueillera Giorgio dans Planet Rap qui débarque entre 20 et 21. Passez une bonne soirée, Difool. C'est parti. Oui, Fredo. En immersion, Fredo. En immersion dans les bouchons. On est bloqué par les chars russes qui a Vladimir Poutine à Paris. Les chars russes, carrément. Les chars russes arrivent. On est tous bloqués. Alors, Cédric, lui, est Porte de la Chapelle. Si vous êtes du côté de Paris, Porte de la Chapelle, ça bouche. Romano et je sais pas où d'ailleurs. On essaye de le joindre, Romano. On n'arrive pas à la repérer, sa petite voiture. Petite voiture qui est difficilement repérable, même avec notre satellite. Et puis bon, Samy, toi, t'as réussi à arriver. Moi, je suis là parce que moi, j'ai un pied, donc c'est facile. Et oui, Samy a des pieds de Marseillais qui l'amènent jusqu'au studio de Skyrock. Tranquillement, et le gros Momo, il est là. Et moi, je suis là aussi. Et gros Momo, il est là. Vous êtes tous les deux. Ça, le Parisien. En couple. Le avant Marseillais, le match. Avant le match de dimanche. Alors, Samy a une idée. Marie trouve ça mignon. Je suis pas sûr que Momo et Samy ensemble, ce soit super mignon, Marie. Non, quand même pas, Marie. Faut pas abuser. Il y a mieux. Karim proposait. Qu'est-ce que tu proposais, Karim? Touchez-vous, voilà. Non, c'est bon. Voilà. Je reste de l'autre côté pour l'instant. Très bien. Bon, ben, nous, on arrive donc dans un instant sur Skyrock. En direct avec. Tiens, pour démarrer, Big Flo et Oli, on les avait eus hier soir en direct avec nous. On les salue d'ailleurs, Big Flo et Oli. Et Toulouse a été à Paris hier. À la Byron Kinry pour leur grand concert. Ah, il paraît que ça déchire, on a eu plein d'échos, ouais. Ah. On va démarrer avec eux, c'est Gangsta, je suis pas un gangsta, le son de Big Flo et Oli. Et au 01 53 40 30 20, qui a essayé d'arriver avant nous, appelez tous là, tiens. 01 53 40 30 20, vous laissez des messages aussi sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock. Pour l'instant, à Momo et à Samy et nous, on arrive dès qu'on a dépassé les chars russes de Vladimir Poutine. Ils sont venus envahir Paris, on arrive. Oh là là. Bon courage tout le monde. Merci Samy, à tout de suite. Après Maître Gims, Black M.